Premier livre de Samuel, chapitre 6. L'arche donc de l'Éternel ayant été pendant 7 mois au pays des Philistins, les Philistins appelèrent les sacrificateurs et les devins, et leur dirent, « Que ferons-nous de l'arche de l'Éternel ? Déclarez-nous comment nous la renverrons en son lieu. » Et ils répondirent, « Si vous renvoyez l'arche du Dieu d'Israël, ne la renvoyez point à vide, et ne manquez pas à lui payer l'oblation pour le péché, alors vous serez guéris, ou vous saurez pourquoi sa main ne se sera point retirée de dessus vous. » Et ils dirent, « Quelle est l'oblation que nous lui payerons pour le péché ? » Et ils répondirent, « Selon le nombre des gouvernements des Philistins, vous donnerez 5 fondements d'or, et 5 souris d'or, car une même plaie a été sur vous tous, et sur vos gouvernements. Vous ferez donc des figures de vos fondements, et des figures des souris qui gâtent le pays, et vous donnerez gloire au Dieu d'Israël. Peut-être retirera-t-il sa main de dessus vous, et de dessus vos dieux, et de dessus votre pays. Et pourquoi endurciriez-vous votre cœur, comme l'Égypte et Pharaon ont endurci leur cœur? Après qu'il eut fait de merveilleux exploits parmi eux, ne les laissèrent-ils pas aller, et ils s'en allèrent? Maintenant donc prenez de quoi faire un chariot tout neuf, et prenez 2 jeunes vaches qui allaitent leurs veaux, sur lesquelles on n'est point encore mis de joug, et attelez au chariot les 2 jeunes vaches, et faites ramener leurs petits en la maison. Puis prenez l'arche de l'Éternel, et mettez-la sur le chariot, et mettez les ouvrages d'or que vous lui aurez payés pour l'oblation du péché, dans un petit coffre à côté de l'arche, puis renvoyez-la, et elle s'en ira. Et vous prendrez garde à elle, si l'arche monte vers Bethsem, par le chemin de sa contrée, c'est l'Éternel qui nous a fait tout ce grand mal, si elle n'y va pas, nous saurons alors que sa main ne nous a point touchés, mais que ceci nous est arrivé par hasard. Et ces gens-là firent ainsi, ils prirent donc 2 jeunes vaches qui allaitaient, ils les attelèrent au chariot, et ils enfermèrent leurs petits dans l'étable. Et mirent sur le chariot l'arche de l'Éternel, et le petit coffre avec les souris d'or, et les figures de leurs fondements. Alors les jeunes vaches prirent tout droit le chemin de Bethsem, tenant toujours le même chemin en marchant et en mugissant, et elles ne se détournèrent ni à droite ni à gauche, et les gouverneurs des Philistins allèrent après elles jusqu'à la frontière de Bethsem. Or ceux de Bethsem moissonnaient les blés en la vallée, et ayant élevé leurs yeux, ils virent l'arche, et furent fort réjouis quand ils la virent. Et le chariot vint au champ de Josué Bethsemite, et s'arrêta là. Or il y avait là une grande pierre, et on fendit le bois du chariot, et on offrit les jeunes vaches en holocauste à l'Éternel. Car les Lévites descendirent l'arche de l'Éternel, et le petit coffre qui était auprès, dans lequel étaient les ouvrages d'or, et les mirent sur cette grande pierre. En ce même jour ceux de Bethsem offrirent des holocaustes et sacrifièrent des sacrifices à l'Éternel. Et les 5 gouverneurs des Philistins ayant vu cela, retournèrent le même jour à Écron. Et c'est ici le nombre des fondements d'or que les Philistins donnèrent à l'Éternel en offrant pour le péché, 1 pour Asdo, 1 pour Gaza, 1 pour Ascalon, 1 pour Gath, 1 pour Écron, et les souris d'or, selon le nombre de toutes les villes des Philistins, savoir des 5 gouvernements, de la part tant des villes fermées, que des villes non murées, et ils les amenèrent jusqu'à la grande pierre sur laquelle on posa l'arche de l'Éternel, et qui jusqu'à ce jour est dans le champ de Josué Bethsemite. Or l'Éternel frappa des gens de Bethsem, parce qu'ils avaient regardé dans l'arche de l'Éternel, il frappa, dis-je, du peuple 50 070 hommes, et le peuple mena deuil, parce que l'Éternel l'avait frappé d'une grande plaie. Alors ceux de Bethsem dirent, qui pourrait subsister en la présence de l'Éternel, ce Dieu saint? Et vers qui montera-t-il en s'éloignant de nous? Et ils envoyèrent des messagers aux habitants de Kirjath-Jéarim, en disant, les Philistins ont ramené l'arche de l'Éternel, descendez, et faites-la monter vers vous.